Je viens d'un coin de pays où on dit esti quand on est en maudit, pis tabarnak quand quelque chose nous épate. C'est pas que la place est plate, mais l'hiver est un peu long. Moi ça fait mon affaire, mais pas la population. Regardez alors l'air qu'en mars, y'a encore des glaçons. Manifestons mes frères pour n'importe quelle raison. L'abus c'est le fun à faire, mais ça nous donne rien de bon. Demandez au A, y'en savent plus que moi sur ça. Ici le sport est mort, demandez à Maurice Richard. Tout est en train de mourir, pensons un peu à l'avenir. Nos industries s'éteignent pour se rallumer, avec un drapeau étoilé marqué dessus USA. On fait nos patriotes jusqu'au jour des élections. Non c'est non, on tourne en rond c'est con. On a peur du changement qui est pourtant là constamment. C'est pas parce qu'il est plus lent qu'il est pas là pour autant. On dit que dans Belle Province les gens parlent comme ils marchent, mais je marche avec des bottes à vache. Hey, hey!